C'est Timo, tactique fréquent. Cherche pas le midi à 14h. C'est Timo, tactique fréquent et les gars brothers. C'est la famille, tu veux du bis. Ça prend une grosse paire de couilles. C'est plus fort que la musique. Ça donne la chair de poule. Les cousins débarquent. Québec prend feu, c'est instantané. Les heads écoutent le son depuis tellement longtemps sans stanner. Et nous on produit le shit depuis une décennie sans stagner. Si on veut que ça pète dans l'industrie, mon gosse est stanné. Le mic est chargé comme un 12 canon scié. T'inquiète, c'était la cible, les heures ils vont te sciller. Je défends ce que j'ai de plus cher, mon sang, mes racines. Prêt à mourir pour mes gars, ma mentalité te fascine. Une affaire de famille, comme arsenic. Mon show c'est plus que du bruit, c'est l'arsenic. Dans le game, j'ai plus rien à prouver. Mon CV parle à ma place, où me cherche si on me trouver. De la rive sud à la rive nord, crie bien fort. Dis mon brother, vont débarquer. Sauver l'homme de Montréal, non même nulle part. Dis mon brother, vont débarquer. T'es pas prêt avec mes bros, avec une famille comme un bruit. Tous ensemble et dépendants face de cette industrie. Dis mon brother, vont débarquer. La même histoire qui recommence. Toujours danser sur les mêmes notes avec nos vies comme récompense. On fait nos vies avec des peurs. On fait nos vies avec des pleurs. Mais pas jamais à ceux de nos seuls. J'aurais envie de vous dire que j'ai défoncé le plus gros mur de ma vie. Avec des histoires comme les autres. J'arrive ici pour dire que la vie c'est comme une pute. Mais comme de la pute, ça prend de la thune. La clique et tout le reste, y'a qu'une, chacune de nos victoires. Fait que nos vies se renforcent face aux faits contradictoires. J'ai envie de voir comme un addict envie de croire. Et ça fait que ta vie de poids se transforme en celle de envie de vivre. Hello, rip down a fast pour comment vite tu, vite tu. Faut pas oublier qu'au travers ça y'a trois boys qui se donnent. Prod, de la rive sud à la rive nord, crie bien fort. Dis mon brother, vont débarquer. Sauver l'homme de Montréal, non même nulle part. Dis mon brother, vont débarquer. T'es pas prêt avec mes bros, avec une famille comme un bruit. Tous ensemble et dépendants face de cette industrie. Dis mon brother, vont débarquer. J'aimerais savoir ton avis. Je débarque avec mes bros, avec une famille comme un puits. J'oublie la modestie, j'envahis ton esprit. Depuis longtemps qu'on voulait étendre le savoir-faire acquis. Démontrer qu'on est unis, tous ensemble et dépendants face de cette industrie. Je continue mon travail, en dépit des gens qui fuient, puis j'élimine la racaille. Hey, on c'est simple, nous on rap d'instinct. On fait du rap d'Einstein, violent comme Killer Instinct. Ils nous feront pas dire ce qu'on veut pas, non jamais. En studio, c'est pas des fleurs, mais une machette que j'amène. J'aime tellement rap quand j'ai papy, j'ai une ramachette sur la scène. Dans mon rap, dans la recette, des ingrédients, y'en a cinq. Y'a du flow, y'a des textes, puis y'a du real, puis y'a du love. Faut pas oublier qu'au travers ça, y'a trois boys qui se donnent. De la rive sud à la rive nord, crie bien fort. Dis mon brother, vont débarquer. Sauver l'homme de Montréal, non même nulle part. Dis mon brother, vont débarquer. T'es pas prêt avec mes bros, avec une famille comme un bruit. Tous ensemble et dépendants.